Ah ah, c'est le millésime frérot. Atomique, 6-8, Mulhouse. J'ai mis du temps pour tout boucler, car je n'ai rien voulu bâcler. Du gros son, des rimes musclées, préparez-vous pour des raclés. Je vais pas dans l'approximatif, fister dans un bésodrome. Je suis là pour mettre des tarifs, comme Paris au Vélodrome. Y'a des cadavres et des grands crus, entreposés dans ma cave. Je travaille où l'espoir s'est pendu, à huis clos dans mon conclave. Rapproche ta bouche, prenne mes parties, viens voir le maître et je suis modeste. Chaîne musicale pour toi, mon petit, on va me faire béton pour un 16. Une flash en dièse, 31 dièse, mais ils n'en feront jamais un 16. Moi j'assume tout et je vous baisse, mon son ce n'est pas pour les moins de 16. J'y mets fond fort mes qualités, finis sans réalité. Par faire leur sexualité, j'en ai fait ma spécialité. T'as pas conscience de ce que t'écoutes, tellement c'est au-delà de ton réel. Je n'ai pas tes oreilles au jus de foutre, c'est mieux que la soupe industrielle. Et peu importe ton nombre de vues ou la top 2 qui t'a sucé, tu prendras place dans la tribune comme tout ce jour de mon succès. Bienvenue sur les lieux du crime, vos idoles sont mes victimes. Quand c'est ma plume qui s'exprime, j'ai du sang d'MC sur ma rime. La critique est unanime, je suis plus fort des anonymes. Atomique c'est le pseudonyme, et le classique c'est millésime. Bienvenue sur les lieux du crime, vos idoles sont mes victimes. Quand c'est ma plume qui s'exprime, j'ai du sang d'MC sur ma rime, la critique est unanime. J'suis plus fort des anonymes. Atomique c'est le pseudonyme, et le classique c'est millésime. Du rap du vrai ça faisait longtemps, celui qui te casse les dents devant. Bien sûr que c'était mieux avant, que ces deux choix mis en avant. De nos jours peu disque d'or, frérot sans trahir des gens. Qu'ils aillent leur putain de mort, ils seront jamais dans la légende. J'suis pas comme eux, j'troue les caissons, leur verre devrait être mal usé. Vas-y fais moi check tes sons, j'te dirai qui t'a mal sucé. Moi j'suis d'époque des post cassettes, des freestyle à 6 ou 7. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, j'avais pas de rap pour les taper. Rafale verbal que j'mitraille, pas de vocodeur qui déraille, tout droit sorti du soupirail. J'viens préparer leur funérailles. Ambiance vénère dans l'avocat, j'sors mon album pour tout niquer. A fond en boucle dans ta gova, j'aurais pu l'appeler tourniquet. Le nectaré millésimé, seuls les fils d'up n'y ont pas cru. Fallait pas me sous-estimer, depuis le début j'reste invaincu. La concurrence est déloyale, à chaque verre j'mets des KO. Sur mon maillot y'a trop d'étoiles, comme là c'est les SAO. Bienvenue sur les lieux du crime, vos idoles sont mes victimes. Quand c'est ma plume qui s'exprime, j'ai du sang d'MC sur ma rime. La critique est unanime, j'suis plus fort des anonymes. Atomique c'est le pseudonyme. Classique c'est millésime. Bienvenue sur les lieux du crime, vos idoles sont mes victimes. Quand c'est ma plume qui s'exprime, j'ai du sang d'MC sur ma rime. La critique est unanime, j'suis plus fort des anonymes. Atomique c'est le pseudonyme, et le classique c'est millésime. Va leur dire que j'fais mal au micro, du bout de ma plume j'monte au niveau dans le rap, prends-moi c'est tous des escrocs. Leur vie de rue c'est que du mytho, j'ai la rime, la technique et le flow. J'ai des classiques, c'est mon défaut, frère la concu pour moi c'est de l'eau. T'as même leur buzz, bon c'est des faux. Parasasier le bic aiguisé, en faucheux j'me suis déguisé. J'fais les gifler, les martyriser, trop talent, pas besoin de teaser. On charbonne dur, on prend des risques. On déclare rien, on baisse le fisc, roi dans l'industrie du 10. Dans ce game y'a que des putes de fils. Légendaire comme Broly, j'balance des lines de folie. Sorry j'suis trop mal poli, c'est pas Big Flow et Oli. Ça kick dur, j'fais la diff, ça doit changer de toute leur merde. Que du lourd pour la mif, premier solo j'vais tous les dead. En direct du Nord-Est, plus j'suis bon, plus me déteste. J'ai jamais retourné ma veste, j'suis le 6-8, tu connais le reste. Même si j'n'ai pas le profil, millésime ma définition. Suis-je le meilleur de ma ville, ne te pose même plus la question. Bienvenue sur les lieux du crime, vos idoles sont mes victimes. Quand c'est ma plume qui s'exprime, j'ai du sang d'MC sur ma rime. La critique est unanime, j'suis plus fort des anonymes. Atomique c'est le pseudonyme, et le classique c'est millésime. Bienvenue sur les lieux du crime, vos idoles sont mes victimes. Quand c'est ma plume qui s'exprime, j'ai du sang d'MC sur ma rime. La critique est unanime, j'suis plus fort des anonymes. Atomique c'est le pseudonyme, et le classique c'est millésime.